see things you people wouldn't believe. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. C'est quoi ce bordel? Ok, les braves gens, on se tire les doigts des tympans et on écoute Mid carefully. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Bonsoir de Chérie Radio. Good morning, Vietnam. Bienvenue dans On se dit quoi. J'ai en ma présence Bilka, comme d'habitude je le dis en premier parce qu'il est en face de moi et que je l'aime. Bonjour tout le monde. Antonin qui est à la droite du Seigneur. Vas-y, dis-nous. Le Seigneur carotte qui a des carottes congelées sur la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé, Jonas? Tu veux Voilà. Non, faut dire que tu es courageux de faire cette émission parce que tu es quelqu'un de blessé. Oui, je ne suis pas du tout fait une fracture sur le crâne là en prenant un coin de porte et j'ai effectivement des carottes congelées sur la tête. Et... nous avons toujours avec nous Sub. Oui, bonsoir. Oui. En fait, vraiment, c'est dommage que l'émission ne soit pas filmée parce que ces carottes, c'est quelque chose de beau. Ouais, voilà. Je pense que c'est, de... c'est très freudien. C'est très Coco Chanel. Ouais. La nouvelle mode. Plus Chanel que Coco. Ouais. Ouais. Bon. Et nous avons le plaisir d'accueillir Val ce soir. Qui, donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques petits mots, s'il te plaît? Je m'appelle Valentine, j'ai 20 ans et je suis étudiante en information communication à Paris 13 Villetaneuse, qui est une très bonne fac. Hi. Ouais. Ouais. Une très, très bonne fac. Ouais. Fait la pub et tout. Le 9-3, le 9-3. Ouais. Moi, je sais pas, hein, parce que Paris 8. Non, Paris 8, non. D'accord, je suis d'accord. Niveau. Bah, c'est cool, j'ai fait les deux. Alors, ton analyse approfondie des deux. Voilà. Elle arrive, elle enchaîne. Bim, Bilka est descendu. Au sommaire, on va d'abord parler de nos brawls de la semaine. Comme d'habitude, c'est des petits histoires dont on va parler, des petits bazars qui nous ont marqué cette semaine. Ça peut parler de tout et n'importe quoi et on essaye d'aller plutôt vite. Ensuite, on va parler de Death Note et de son adaptation live en fait sur Netflix. Enfin, ça va plutôt être on se prend les mains, une espèce de thérapie de groupe ensemble pour essayer d'oublier. Ils ont craché sur le Japon. Voilà le facteur. Mais oui, mais oui, c'est clair. Et du malou. Et du malou. Alors, il y a quelqu'un ici qui veut dire son brawl en premier ou qu'il se taise à jamais. Le dieu des carottes doit choisir. Voilà, le dieu des carottes choisit un jeune roux. Pourquoi moi toujours? À chaque fois, quoi. Mais parce que les autres, ils ont pas d'idée, ils ont aucune inspiration, c'est de la merde ce qu'ils disent. Ok, bah alors. Attends, pardon, excuse-moi, je t'interromps, je précise à Val donc, que tu peux nous expliquer, puisque on t'avait oublié de te mettre au courant, excuse-nous. Tu peux nous raconter donc, un truc qui t'a marqué pendant les dernières semaines. Par exemple, j'ai vu une BD, j'ai lu un film, j'ai tout lu vraiment ce que tu un veux. Avion, voilà, plein de trucs. Tu as lu. Allez, on laisse ça, Bilka, enchaîner. Bah, dernière fois, j'avais parlé série, donc on va rester sur la même lancée. Je vais... Tu veux dire la semaine dernière? Oui, dernière fois. Oui, pas du tout, il y a des minutes. Connard. Et donc, je vais vous parler d'une... Ah, parce qu'en fait, il nous saoule avec ouais, j'ai le bâton de parole. Je vais vous parler d'une série qui va sortir fin septembre qui s'appelle The Good Doctor. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Docteur... The Good Doctor Who. Non, Sub, ça ne dit rien? Non, pas du tout. Je ne connais qu'un seul docteur et c'est le docteur. Excuse-moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, c'est les mêmes producteurs que la série Doctor House. Donc en fait, ça va être à peu près une série qui va être à peu près dans le même délire, sauf que on est toujours avec le médecin hyper surdoué, machin quoi, mais le gosse, il a 25 ou 28 ans. Enfin, pour un médecin, c'est quelqu'un de très jeune. En fait, tu nous fais une Sheldon, mais en version... Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais la dernière fois, il a parlé de Sheldon qui, dans The Big Bang Theory, un spin-off où il est plus... La semaine dernière. C'est ça, la semaine dernière. Mais c'est pas vraiment un spin-off. C'est une série qui est sur le même thème, mais c'est les mêmes producteurs. Donc, c'est une sorte de spin-off. Un spin-off. Hein. C'est ça. Et en fait, le héros principal de cette série, c'est Freddy Highmore. Je sais pas si ça vous parle. Si je vous dis. Oui, tout à fait. Si je vous dis Arthur et les Minimoys, Charlie et la chocolaterie. Ah, bien sûr. Oui, on l'adore, cette série. Bates Motel Hotel. Ouais, Bates Motel. California. Ouais. Bah, ce mec, il a. Ce mec et moi, on a le même âge. Il a 25 piges maintenant, 25, 26. Il les fait carrément pas. T'as vu, hey, dans Arthur et les Minimoys, on le voit, on dirait il a 10 ans. Il a 16 ans. Sérieusement. Mais oui, il a mon âge, il est, donc, il est plus petit, il est en 92. Toutes les filles ont dû se dire mais non, mais je vais pas sortir avec un gamin. Enfin, ouais, c'est ça. Il a dû se dire en fait, il a 40 ans. Mais oui, mais c'est ça. Deux, c'est trois fois, les flics sont arrivés. Lâchez cet enfant. Parce que, je sais pas si vous connaissez Le Tambour, qui est un super film. Ah oui, l'acteur en effet. Moi, Oscar, 10 ans, en ce jour de gloire, j'ai décidé de ne plus grandir. Et c'est l'histoire d'un gamin qui ne. Veut plus grandir, qui ne grandit plus, mais par contre sa sexualité grandit aussi. Donc ah, je connais, ça s'appelle Peter Pan. Il va avoir une chambre de kidnappe, il kidnappe des gamins, quoi. Wendy, viens voir. Oh là là, je vais te mettre de la poussière de fée partout. Oh putain. Tu vas voir, ça glisse. Et donc, pour en revenir à mon brol, la série, en fait, c'est le personnage fait jouer par Freddy Highmore. C'est quelqu'un de sociopathe qui a du mal à communiquer avec les autres parce que c'est un surdoué. Comme Dr. House. Voilà. Non, Dr. House, c'est un putain de narcissique sarcastique. Tu vois, t'allais dire narcotrafiquant. Non, il est narcissique, sarcastique, alors que lui, il est très réservé, très calme, très gentil. Il a un complexe d'infériorité. Il pense qu'il est nul, alors que c'est un surdoué vraiment. Et c'est comme Dr. House, un épisode lambda. C'est en fait, ils sont face à un cas très spécial, très chelou. Et en fait, lui seul, grâce à ses aptitudes, voit le. Enfin. C'est comment gérer le truc, mais comme il a du mal à communiquer avec les autres le prennent en merde. En fait, c'est juste la jeunesse de House. Bah, un petit peu, ouais. Mais franchement, j'ai vu la bande-annonce, regardez sur Allociné, où on le mettra avec Jonas sur le Facebook dont on se dit quoi, j'ai vu la bande-annonce, franchement, ça m'a grave donné envie. Franchement, je vous le recommande. Jusqu'à ce que tu parles de gentillesse et de timidité, ça me faisait penser à Sherlock. Un petit peu, ouais. Mais en fait, c'est un sur... Mais en plus, c'est comme la mise en scène, c'est comme les dernières saisons de Sherlock, je sais pas si vous avez vu. En fait, pas vu. Non mais en fait c'est juste un effet de mise en scène, il y a pas de spoil. Ouais. C'est juste en fait que comment dire, il est dans une pièce ou quoi, et en fait on voit ce que voit son esprit, genre il y a un défilement d'images, tu vois. C'est comme Minority Report en fait, les trucs qui apparaissent à l'écran. Ah bah là c'est pareil, tu vois. En fait il y a par exemple dans la bande annonce, il y avait un mec, un électrocardiogramme, on voyait son cœur et tout, et en fait on voyait comment lui voit les trucs dans son esprit. Et il voit genre mieux qu'une machine et tout. Il a des super pouvoirs tellement il est légèrement autiste, tellement il est intelligent. Et franchement, ça a l'air sympa. Un peu comme nous tous, hein. C'est pour ça. On surtout pour avec toi. Hein. Je connais un autiste, il fait que parler de merde tout le temps. Caca. C'est la première fois que j'ai écrit mon nom, c'était avec du caca. C'est ça. Donc regardez The Good Doctor. Ça va sortir fin septembre aux States. Ce serait disponible sur Internet en Vostfr. Téléchargement légalement, bien sûr. En Vostfr. Donc regardez The Good Doctor, ça a l'air pas mal. Dédicace à Vost, un super collectif de photographes à Marseille. Quel est le rapport? Vost et Stéphère. D'accord. Il n'y a pas besoin de rapport. Y a toi pas aussi, besoin place ta dédicace improbable. Ouais, c'est exactement. Dédicace à ma maman. Parce que... Voilà, on fait tous des dédicaces à nos mamans, évidemment. Kabylie indépendante. C'est Charles de Gaulle, quoi. Alors, ça va. Kabyle téléphonique. Ça va, quelque chose à nous dire. Oh putain, s'il te plaît, récupère-nous. Ouais, mais non, moi, je propose un truc à Seb, c'est de faire un truc commun sur Amandine Malabule. Qu'est-ce que c'est? Parce que, alors, Amandine Malabule, c'est une série Netflix qui est sortie cette année qu'on a vue tous les deux avec Seb. Quoi? Mais non, je regardais ça quand j'étais petit. Alors, c'est peut-être le remake de quelque chose, on sait pas. C'est un remake, en fait, avant c'était un dessin animé, il me semble. D'accord. Alors... Non, c'est une série de bouquins pour enfants. Il y a eu une série en 92, il y a eu un dessin animé en 2003, et là, vous me dites, il y a un truc. Alors, on te dit, il y a une série live, du coup, sortie en 2017, sortie sur Netflix, de 12 épisodes, je dis pas de bêtises. Oui, 12 épisodes. Qui relate donc l'histoire d'une gamine qui finit dans une école pour devenir sorcière. Donc c'est le Harry Potter, version avec que des filles donc qui ont 12 ans en moyenne. Et voilà, et c'était marrant et en même temps cheap et en même temps un peu pas ouf, mais en même temps nostalgiquement c'était enrichissant parce que t'as l'impression de voir Harry Potter mais en mal fait, mais c'est quand même attachant. C'est bizarre. C'est Harry Potter en déformé. Parce que je vais regarder parce que moi ça m'intéresse beaucoup. J'étais fan de la série. Elle est sortie en 92. C'était une série allemande, si je me souviens bien. Et ça passait dans les débuts des années 2000, ça passait sur Canal J. Et j'ai revu ça à l'adolescence et j'ai grave kiffé. Effectivement, ça fait un peu cheap parce que bon, voilà. Non, mais la série de 2017 fait cheap. Ah. Ça, c'est ça le. Ah, moi je parle de la série 92. Fait effet pour gamin. Ils ne se foulent pas trop, mais c'est, ça reste quand même assez sympathique. Ah, mais si, j'ai vu un truc. Attends, il n'y a pas. Pour les enfants, en fait. Si, j'ai vu un truc sur Internet. Amandine Mabule, c'est pas la meuf qui joue dans Game of Thrones. C'est ça. Apparemment, c'est la petite, la Lady Mormont. La meuf, elle a 12 ans, mais elle a plus de couilles que tous les mecs du Nord réunis. Oui, oui, j'ai vu un article. Alors, Antonin, est-ce que tu as quelque chose à dire à part. Sur le caca. Oui, oui, oui, oui, je me suis dit, écoute, la nature, la vie. Putain, je sens venir le truc. La planète, voilà. Tout est un cycle, tout est fait de fluide. Sérieusement. Voilà. Et je me suis intéressé au fluide corporel de l'armée chinoise. Parce que figurez-vous que c'est la plus grande armée au monde, 2 millions de petits chinois, soldats. Et moi, et nous, on fait tous quelque chose, on se masturbe, les enfants. Et c'est un énorme problème pour l'armée chinoise, parce qu'il y a une overdose de masturbation dans leurs troupes, et donc du coup, ils ont moins d'énergie, et c'est très sérieux, parce que le parti communisto-sino a demandé à ses soldats de ne plus se masturber et de ne plus jouer aux jeux vidéo parce qu'ils devenaient gros et ils avaient tellement mal aux couilles qu'ils n'étaient plus effectifs sur le terrain. Mais ils ont demandé ça aux militaires ou à toute la Chine? À toute la Chine. Mais surtout à 2 millions de soldats, 2 millions de ils mecs. Ils ont fait une annonce officielle. Arrêtez de vous branler, s'il vous plaît. Sur un papier plus blanc droit. Avec le logo en haut. Blanc, stop masturbating. Donc vous êtes masturbating en Mao. Vous êtes bien sûr, on se dit quoi? Un podcast de qualité sur lequel on parle relations humaines, on parle, voilà. Est-ce que ça va changer les relations de la Chine à l'extérieur? On verra, on se dit quoi? Non, je pense en fait, réellement, c'est en rapport comme les sportifs de haut niveau n'ont pas le droit de se masturber avant la compétition. Ouais. Pourquoi? Et ils peuvent pas tirer deux fois. Moi, je me rappelle quand je faisais de la compète de judo haut niveau, hein, vous moquez pas, première dame. Ouais, blanche. C'est vrai que. Ouais. Première dame de France. Oui, mais t'avais 14 ans. Non, quand j'avais ma ceinture noire, j'avais 18-19 ans et je faisais de la compète. Et ouais, et c'est vrai que. Je faisais de la masturbation. C'est vrai que. Non, mon prof me l'a jamais dit, mais entre nous. Mais entre il nous. Il l'a juste suggéré en fait. Non, mais entre viens nous. Viens dans ce petit endroit calme. Non, mais entre nous, c'est vrai que quand tu te masturbes ou que tu as un rapport sexuel la veille d'une compète, c'est vrai qu'après t'es un peu mou parce que ça te. Non, mais c'est vrai. Ça te pompe de l'énergie. Mais vraiment, non, mais c'est vrai. C'est encore le cas de le dire. Mais c'est vrai. Non, mais par tu contre. Choisis bien tes mots, je trouve. On en revient à Logan qui s'est fait pomper la moelle osseuse. Putain, hé, mais s'il va me la ressortir combien de fois, putain. Allez, s'il vous plaît, on va aller sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Poétique, vais-je dire. C'est vous avez tous vu l'annonce du nouvel iPhone? Bien dans cette annonce. Non, j'ai pas vu. Ah bah tu vis sur une autre planète. Ouais. Il y a eu l'annonce. Sky. The Zad Game Company. Ah. Les gens qui ont créé Johnny. Flower. Début de la musique, ça faisait un peu et Flow. Comme je n'y connais rien en jeu vidéo, en fait. Je suis, chers téléspectateurs, je suis entouré de 4 personnes qui me regardent bizarrement et qui parlent au ralenti. Eh bien, oui. Justement, on va en parler. C'est que. Au ralenti. Johnny est le jeu qu'on conseille, je pense, tous pour commencer à jouer aux jeux vidéo. Et c'est le pas le reproche, mais la phrase qui revenait très souvent à Genova Chen, qui est le créateur du jeu, eh bien, c'est « J'aimerais bien faire tester le jeu à ma famille, à mes amis et tout, mais il faut aller sur PS4, sur console, sur PS3 à l'époque, donc c'est une exclusivité PlayStation, je répète. » Et du coup, c'est plutôt pas facile à contrôler. Et là, ça va sortir sur mobile. Donc c'est une exclusivité sur GSM, en effet. C'est une exclusivité Apple pour le début. Donc ça a été annoncé sur l'iTunes Store, l'Apple Store, pardon. et donc ça ressemble pas mal à Journey, en tout cas dans sa forme. Dans le gameplay, on ne sait pas encore exactement, mais il y a énormément de choses qui le rappellent, à la différence que dans Journey, on jouait à 2, et là, on pourra jouer à 4, apparemment. Et il y a vraiment quelque chose du partage, quelque chose de la famille, il en parlait aussi. Et de plus, moi, ça ne me dérange pas trop que ce soit sur Apple, contrairement à d'autres jeux ou quoi. Enfin, je ne sais pas, là, on voit bien que c'est temporaire et on voit bien que c'est pour respect... Genova Chen le dit lui-même pour être un espèce d'apôtre du jeu vidéo et le diffuser le plus massivement possible. Et ça, c'est que sur le nouvel iPhone, ça, pour la sortie de l'iPhone. Et je ne sais pas. Je pense que c'est sur Apple Store, mais que ça fonctionnera genre à partir de iOS 10, je pense. Je ne sais pas exactement. J'espère qu'ils ne vont pas faire comme pour Super Mario Run, où ils ont mis presque un an et demi à le sortir sur Android. Non, mais oui, là... Ça a tué le jeu. Non, c'est surtout la connexion obligatoire qui a tué le jeu, mais surtout quand tu veux jouer dans le métro parisien, alors qu'au Japon, il y a la Wi-Fi partout. Donc voilà, je pense que la musique que vous avez entendue, ça vous a déjà fait un petit quelque chose. J'ai pensé à mon petit chien Poppy. Mais même ton chien, tu l'as appelé Popo, genre Poppy. Ah non, j'ai pas pensé. Non, mais par contre, quand tu dis c'est bien pour commencer le jeu vidéo, c'est bien aussi quand... on est accro au jeu de combat. Ouais. Et là, tout d'un coup, c'est un jeu pacifique. Et comme tu l'as bien dit... Attends, j'ai oublié ton surnom, Bilka. Il est sur ma main. Il écrit sur sa main, voilà. Et là, tout d'un coup, on était détendu. On était détendu. Pourquoi ? Parce que c'est le Japon. Parce que c'est une forme de philosophie de vie. Parce que c'est au-delà du jeu vidéo. On en revient encore, là. C'est un jeu américain. Magnifique. Gros flop. Tristesse. Bon, ben, je m'absente, je vais aller aux les toilettes. Les préjugés. mais encore. Pour me détendre. Non, mais Genova Chen a un nom effectivement à consonance japonaise. Je sais pas exactement d'où. Japonaise. De quelle origine est là? Chine, peut-être, si tu veux. Chen. Je ne sais pas du tout. Dans tous les cas. Le studio est basé à Los Angeles et à Santa Monica. D'accord. Okay. Ah, et bah, en tout cas, la différence avec Journey qui se passait dans le sable sur lequel on pouvait surfer, là, ça va se passer sur les nuages. Oh, et il y avait vraiment un truc du vol qui est absolument incroyable dans ce jeu. On peut voir quelques images dans le Q&A. Question-réponse, la foire aux questions. Avec Genova Chen, c'est assez génial de voir vraiment ces personnages voler. C'est ébouriffant, et moi qui adore ça. Alors que dans la réalité, j'ai le vertige, je meurs si je monte sur une échelle. Dans les jeux vidéo et les films, j'adore les sensations de vol, et là, c'est très très bien reproduit. Mais dans la journée, c'était le plus kiffant de pouvoir sauter à l'infini de plus en plus haut, surtout... réengorgé entre guillemets par l'ami qui t'accompagne, enfin c'était tellement des sensations incroyables. Et là, il y a aussi ce principe que c'est du coup pas du tout compétitif, au contraire c'est vraiment de l'entraide avec des gens ou que tu connais, parce qu'apparemment on pourra faire avec des amis cette fois-ci, ou des inconnus comme dans Journey. Et apparemment il y a aussi ce principe de se tenir les mains. C'est différent, mais là en fait se tenir la main, en fait les quatre personnages se tiennent. C'est des communistes. C'est des putains de hippies rouges. Ils se tiennent la main et ils peuvent voler ensemble, en fait. Ah. Et c'est beau. Ouais, non, mais. Tu t'écrases Tu vois, comme c'est des Américains ultra capitalistes, ultra. Il a dit c'était japonais de merde, mais c'est américain. Ah ouais, mais donc du coup, par exemple, Jonas, tu ne peux pas voler dans la vie réelle parce que tu as peur, mais dans le jeu vidéo, tu peux. Eh ben, ils ne peuvent pas être solidaires et un peu et partageurs, etc. Dans le jeu vidéo, tu peux ne pas être individualiste et capitaliste. Oh putain. J'ai rien compris. Non mais Journey, c'est vrai que c'est le seul jeu vidéo où tu rencontres quelqu'un, tu sais pas qui c'est, tu partages un bout de chemin et t'es content. Tu sais que ça a donné des mariages. Et puis voilà. Et puis le mariage à la fin, bien sûr. Dans la réalité. Oui. Oh, je savais qu'il y avait des mariages beaux, mais pas des mariages Journey. Journey mérite qu'on en fasse une émission entière pour ce chef-d'œuvre. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. C'est-à-dire dans 10 minutes. Voilà, attends 10 minutes. Mais si tu veux, tu peux passer à la maison, on a le jeu. Ouais, une autre fois, les gars. Tu vois, quand je te parlais de mariage et d'expérience humaine. On amène ses amis chez soi. Pas de problème, on commence comme ça. Découvrir des choses. Ça veut me choper. Allez, pour vous calmer, je vais passer une chanson d'Anna of the North qui est une ch'ti. C'est parti. Elle vient du Nord. C'était donc Anna du Nord. Donc Anna of the North. Bon, elle n'est pas du tout ch'ti. En fait, elle vient de attention. Non, je vais essayer de le prononcer. Grovik. Grovik. En Norvège. C'est pas Anna du Nord, ma cousine. Tiens, mais tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à une autre artiste qui s'appelle Anna du Sud. Sérieux? Ah ben moi, ça, c'était Anna de la Terre du Milieu. Comment tu sais? Désolé, fallait que ça sorte. Vous voyez, c'est comme un ro. T'es pas bien, t'as mal au ventre. Laissez-moi parler. Je prends déjà une partie de l'anatomie en charge. Oh, mon Dieu. Laissez-moi parler donc à Anna Lotterud, de son vrai nom, donc née en 1989, RPZ Antonin. c'est 88, non. Hein. C'est moi qui suis 89. Non, mais je sais. RPZ mais... sub. Le roi carotte confond l'âge de ses sujets, quoi. Bref, c'est pas le sujet. je sais très bien que t'es né en 88, c'était juste genre, c'était dans ces eaux-là, quoi. Bref. Oh là là, un emprunt, qu'est-ce que c'est? J'entends quelqu'un qui essaie de se rattraper. Désespéré. Moi aussi. Alors, ce que je trouve assez marrant avec cette artiste, c'est qu'elle a rencontré en fait son producteur en Australie, alors qu'elle faisait ses études, et qu'après ses premiers singles, ils les ont enregistrés avec Skype. Genre, ils ont travaillé avec Skype en fait. Eh ben. Donc la technologie permet plein de choses assez fascinantes. Et puis, moi, ça me fait quand même penser un peu à des personnes comme Aurora. En fait, c'est des artistes qui viennent du Nord. Du Nord. Donc, Norvège, Suède, Finlande. Et qui nous sortent des bombes de pop assez géniales, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils reflètent un peu la température de ce genre d'endroit. Non, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Avec moitié de l'année, on déprime, quoi, parce qu'il fait tout noir. Mais c'est de la transcendance. J'ai l'impression qu'ils sont sur de la transcendance plus que sur de la mélancolie. Que toute cette énergie qu'ils n'ont pas. qu'est-ce que ça veut dire là ? C'est l'instant interprétation philosophique, faut laisser faire. Ah ouais, j'ai lu Spinoza il y a pas longtemps. Merde, laissez Spinoza en paix. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Attends que je regarde sur Google. Ben non, mais la transcendance, J'ai vu un film avec Johnny Depp. Très bon film. Qui s'appelle Transcendance. Mais oui, la transcendance, oui, c'est aller au-delà des sentiments premiers, les transcender, les recréer, d'en faire quelque chose de plus. Parce que la terre, c'est plus. L'amour, c'est plus. Les fluides, c'est plus. Je vous invite dans les commentaires sur Facebook à nous dire s'ils nous racontent de la merde. Parce que. ça oui, hein. C'est toujours la question de merde. Il y a 2 millions de Chinois qui vont me dire que j'ai raison. Bah, alors, du coup, là, c'est Sway, par exemple. Elle a donc composé et tout avec son producteur alors qu'elle était donc Angleterre et Australie. En train de faire sur Skype, et puis il y a aussi Oslo, donc là qui est vraiment la chanson dont je parlais, qui représente un peu le Nord, quoi. Tu sens la fraîcheur là, rien que dans la voix en fait. Et la transcendance. J'ai l'impression que c'est un bruit de pluie légère derrière. Non, c'est des grains de riz. Ça, c'est chez nous, ça. T'as un espèce d'écho. Ouais. Ouais. Comme si c'était dans une grande vallée. Ça me fait penser à une chanson de Lindsey Stirling. Lindsey Stirling, c'est la meuf qui danse avec un violon. Voilà, un des morceaux de violon où elle. T'as une espèce de techno dans un clip avec un décor très froid, des igloos, ce genre de choses. Et c'est un peu le même effet. Ça fait ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a de la réverb, on sent que ça résonne, que c'est comme si elle chantait dans une grande vallée avec des icebergs. Elle va briser la glace. T'as pas d'autres jeux de mots comme avec Bojack et le cheval là ? Je vais embrouiller. Avec le Nord. Je vais embrouiller. Non, mais pas. Il y a Sigur qui fait des concerts dans des énormes entrepôts et des grottes abandonnées. Enfin, les grottes, elles sont pas forcément habitées. Et Sigur a un peu cette même tonalité où tu ouvres ton champ vers. J'allais dire même une transcendance. Une transcendance. Mais ils sont d'Islande, il me semble. Ils sont dyslexiques. Bon, ça marche pas avec l'Islande. Tiens, téléspectateurs, Antonin vient de faire une blague et la jeunesse m'a regardé désespérément pour dire aide-moi. Regardez, est-ce que vous voulez perdre de l'audimat, engagez Antonin. En promotion de plus en plus. Le regard que tu m'as lancé. Il va arriver sur France Inter, le bâtiment il va faire. Putain, pauvre. Alors, j'ai oublié en fait, Bilka, tu voulais nous parler d'American Assassin. Assassin. Oui, je voulais. Je sais pas pourquoi. Non, mais parce que. Ça a l'air bien de la merde. Ça a l'air bien de la merde. Non, mais. Et ça dit-il en le regardant droit dans les yeux. Non, mais en fait, j'ai envie d'en parler parce que, comment dire, depuis 3 ans, on a commencé à. La France a commencé à subir des attentats terroristes de la part de ses propres ressortissants. C'est-à-dire que des personnes. Bon, ok, qui ont une double nationalité, mais quand même qui ont la nationalité française, font des attentats en France. Et pas qu'en France, il y en a eu ailleurs, mais depuis ces 3 dernières années. En Angleterre, dernièrement. En Angleterre, en Belgique. Aux États-Unis, en Belgique. Ça s'est multiplié depuis ces quelques années. Espagne. C'est ça. Mais non, mais vraiment partout. Il y en a toujours eu partout. Mais là, depuis ces quelques années, c'est vraiment devenu quelque chose de très fréquent. Et en fait, American Assassin, bon, l'histoire, ça sent la merde, hein, surtout que Dylan O'Brien, il est mignon, mais à part Teen Wolf... Tu me demandes quel est le lien que tu vas nous mettre. Non, mais le film, non, mais attends, tu sais pas de quoi il parle. Dylan O'Brien, l'acteur qui est principal, il a fait Labyrinthe et Teen Wolf, donc il casse pas 3 pattes à un canard. Mais l'histoire du film parle de ça, en fait. L'histoire, c'est le mec, tout va bien dans le meilleur des mondes, il est avec sa meuf, il a demandé en mariage, elle l'accepte. À la plage. C'est ça, ça c'est d'abandonnance, donc il n'y a pas de spoil. Mais est-ce que tu veux qu'on la passe, justement? Bah ouais, pourquoi pas. C'est parti, alors. Ce qui s'est passé sur la plage ce jour-là. Sur la plage. Ouais. Vous voulez vous venger. Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Que vous alliez passer de cellule en cellule pour éliminer des terroristes? Pour commencer, oui. Qu'est-ce que je dois savoir sur ce mec? C'est un guerrier. Le meilleur que je connaisse. Bon, on va pas se taper toute la bande-annonce. Non, en clair, il rencontre un grand maître du kung-fu. Non, mais au-delà de ça, pour les buter du terroriste. Même la bande-annonce vend le concept, en fait. Tu vois, elle pose la question, vous voulez vous venger des terroristes? On dirait qu'elle pose la question au spectateur, au monde, tu vois. En fait, exactement. Ce film, c'est comme si c'était l'exorcisation de toutes les frustrations qu'on a envers le terrorisme. Parce que... On parle de catharsis. Ouais, mais carrément. En fait, tu parles pas de... de transcendance. Mais la catharsis, c'est une forme de transcendance. Exactement. Mais tout n'est que transcendance, au final. C'est ça, même quand je mange un grec, c'est de la transcendance. Après moi, c'est de la descendance. La raclette, c'est de la transcendance. Mais quel con. Oh, le con, puis je parlais d'un truc super oui, sérieux. Oui, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît. Donc en fait, oui, l'histoire, c'est hyper sa meuf à sachant cause que je rappelle qu'il parle d'un truc super sérieux, j'ai toujours mes carottes sur la tête. Hein. Congelées. C'est dur de te regarder. Moi, carottes, nous te respectons. Donc, je reviens. Le mec, il perd sa meuf à cause d'un attentat terroriste. Et en fait, ça parle à toutes les personnes qui ont perdu un proche à cause de ça. Et même, c'est pas mon cas, mais je me rappelle quand il y a eu le Bataclan, même Charlie Hebdo. Jonas, je sais pas si tu te rappelles, on était à la fac ensemble, Jonas, quand il y a eu Charlie Hebdo. Tous les cours ont été annulés dans la journée et on a fait des débats sur ça. Ouais, et puis même pour nous impliquer à ça, en fait. On avait un peu peur d'aller dans le métro, il y avait un climat pas terrible avec à l'entrée, la sécurité. Ouais, la sécurité était chaud. Mmh. Et en fait, comment dire, ce film, ça a l'air de la grosse merde. Mais j'ai l'impression que ça permet d'exorciser un peu soit cette peur, soit cette haine du terrorisme, des terroristes qui sont issus du pays dans lequel ils vont sévir, tu vois. Mmh. C'est des gens qui sont nés dans ce pays, mais qui vont faire une saloperie dans ce pays-là. Et ben moi, je pense que peut-être. En fait, je ne sais pas où va se situer la limite, mais si c'est un film cathartique, ouais, allez, pourquoi pas. Mais généralement, quand on voit l'histoire du cinéma, il a tendance plus à aller vers l'autre côté. Et c'est un film peut-être aussi qui va se nourrir de ce ressenti, de ses peurs, oui, bien pour sûr. Pour faire des entrées. Et ça, c'est sûr. Super. Cool avec ça. Bon, après, ça donne des choses marrantes, genre 007. C'est l'émission soviétique. Et puis, mais bon, là, je sais pas. Hein, ça oui, après, c'est vrai que... Ensuite, il y a des... Justement, il y a des très bons films qui sont sortis par rapport à ça. Bon, c'est le même réalisateur, mais Django Unchained, à propos de l'esclavage, notamment, où c'est en tant que descendant d'esclave, je vous avoue que c'était assez jouissif de voir Django... défoncé de l'esclavagiste. T'es noir? T'es noir? Quoi? On n'en avait jamais vu! Oh merde! Non, mais maintenant que je me suis trompé. Il y a ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a Inglourious Basterds aussi, donc, où on défonce du nazi. Yeah. En fait, la question en fait, de se poser, c'est est-ce que c'est éthiquement, moral et correct d'utiliser ça, qui est récent et qu'on le subit encore, à l'heure actuelle, tu vois. Parce que dans le cas de Django Unchained, bon, il y a eu 1 million de films et la culture populaire a évolué pour dire que l'esclavagisme, c'est mal. Et que, voilà, mais comme ça c'est... Ça a du bon, hein, parfois. Oui, bon, c'est... C'est un petit peu comme le génocide, hein, après tout. Ouais, au moins ça. Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais c'est quoi ça? Une petite centaine d'années. Attends, Jonas, calme-toi, tes carottes elles tremblent. Non, mais... elles cuisent. Elles cuisent sans déjeuner. Non, mais c'est vrai comme c'est, c'est encore un sujet très chaud, c'est vrai que moralement, est-ce que Non, non, non, Antonin, non. Merci. Vas-y, moralement, est-ce que c'est très éthique de l'exploiter? Parce que c'est vrai qu'Antonin, comme tu le disais, tu vois la gueule du film, ils veulent faire du fric. Ils veulent faire du fric, ils ont mis Dylan O'Brien, ils ont mis Michael Keaton, c'est des têtes d'affiche, ils veulent se faire du fric, c'est sûr. Donc est-ce que c'est éthiquement correct d'exploiter ça pour se faire du fric? Maintenant, à l'heure d'actuelle, on peut pas le juger, mais plus tard, dans le passé, quand on verra l'influence culturelle de l'époque sur les films de l'époque, là on se posera la question, on se dira pourquoi pas. Parce que tu peux être sur des réactions à chaud, il y en a pas mal. Et je propose d'ailleurs deux séries. Enfin, une, c'est une série et l'autre, c'est un documentaire. Et les deux partagent le même nom et ne partagent pas du tout les mêmes points de vue. Je propose Homeland, ah oui. qui est une série assez, assez sympathique sur l'embrigadement, la sûreté de l'État, les limites, qui est une série qui pose un peu des questions, pas seulement d'un seul côté. Et le documentaire en deux CD qui s'appelle Homeland, et il faut absolument que Jonas mette le nom du réalisateur parce que je m'en souviens plus, qui est sur une famille irakienne. Donc vraiment, tout est filmé avant et après l'invasion. Et c'est le quotidien d'une famille. Donc on s'identifie énormément à cette famille-là, puisque c'est comme la nôtre, les frères, soeur, papa, maman, la télévision, etc. Mais je connais, c'est aussi un film qui a été réalisé par un Israélien, il me semble, ou c'est Homeland, Irak, année zéro. Voilà, Homeland, d'accord, c'est Irak, pas le même, alors, parce, qu'il tout, y a... parce que la série, en fait, la série Homeland est inspirée d'une série israélienne sur le même sujet. Donc, d'accord, c'est pas du tout de la même chose que dont Et comme parles, on avait à peu près le même âge que les enfants dans le documentaire, quand la guerre d'Irak a été déclarée, quand les Américains ont envahi l'Irak, ça me permet vraiment d'avoir un recul un peu plus important. D'accord, donc c'est réalisé par Abbas Fadel. Sais pas le prononcer correctement, désolé. C'est sorti le 10 février 2016. Oui, après, c'est le terrorisme, c'est pas quelque chose de nouveau. Même nous, en France, on en parlait dans la série de Canal, le Bureau des Légendes. C'est pas quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression qu'en fait, comme je disais, ces terroristes-là, ils viennent pas d'un autre pays où ils ont été, enrôlés pour partir à la croisade dans une guerre sainte. C'est des mecs qui sont nés dans ce pays, qui ont grandi... et qui font ce bordel. Donc, et surtout, ce qui fait la peur, le règne de la terreur des gens, c'est que ça peut venir de nulle part, et ça peut être ton voisin, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est une nouvelle forme de terrorisme un peu particulière. Mais c'est marrant de voir, c'est les mecs, comme tu dis, qui viennent de France, qui se font enrôler, qui partent et qui reviennent ensuite. Ouais. Mais je trouve que, pour partir vers autre part, le gouvernement qui fait ses campagnes de sensibilisation contre ça, à base de... d'espèce de site internet où tu choisis, tu pars en Syrie ou tu ne parles pas en Syrie, c'est tellement gênant. Mais ils essayent de lutter du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'ont aucune idée de comment gérer le truc. C'est ça le problème. Sûr, justement, en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est que la raison pour laquelle ce terrorisme-là est radicalement différent de tout ce qu'on a connu avant, c'est que les autres terroristes, ils avaient des revendications. Lorsqu'on a eu des terroristes basques, il y a eu plusieurs sortes de terrorisme, en fait, mais... Non, mais si, c'est vrai. On sourit parce que c'est du terrorisme local. Il doit y avoir 20 pecnos dans le c'est le circuit court. Sur le bio... Mais je veux dire, il y a un but. Ce genre de terroristes-là, ils veulent juste faire un truc de ouf dans leur vie. Ils revendiquent une cause. C'est comme l'éco-terrorisme. Greenpeace, ils revendiquent une chose. Ils veulent la fermeture de telle station, de telle... Mais eux, Une station de ski, pourquoi En fait, on ne sait pas vraiment ce que veulent ces terroristes-là, à part faire en sorte que les musulmans et les autres religions, les autres croyances ne puissent pas cohabiter. Alors là, je vais enlever mon masque de blagueur un peu scato pour remettre celui de journaliste sociologue transcendant. C'est ça, parce que c'est ce qui est entonnant dans la vie. C'est en train de dévier un peu. Là, je vous laisse parler comme ça, mais... Pour une fois qu'on est sérieux. Hein. Ouais. Non, mais en fait, le djihadisme, c'est la grande cause du XXIe siècle. C'est quand tu es un gamin qui est, je sais pas, dans les cités ou même pas dans les cités, un gamin qui se cherche. Qui se cherche, ou tu es dans des endroits où l'éducation faiblit, quand tu es la troisième génération, tu te poses des questions. On a toute une population sensible et toutes ces populations. La banlieue, mais non, mais pas seulement la banlieue, parce qu'il n'y a pas que dans les banlieues. Tu peux avoir un petit village. En France, c'est comme le 16e. Le milieu, un milieu de vie élevé, généralement. Les majorités des personnes qui vont faire de. Qui vont à l'étranger faire le djihad. Ouais, les études ont prouvé que c'était plutôt d'un milieu aisé. Alors, c'est vrai et pas vrai, c'est pas la majorité du tout, mais par contre, ça a beaucoup étonné qu'il y ait aussi des personnes d'un milieu aisé, catholiques, etc. Bon, voilà. Mais avant, on avait les jeunes qui partaient faire la guerre en Espagne, on avait les brigades rouges, on avait Action discrète, on avait... Bon, et tout ça faisait écho avec... Action discrète, c'est une série sur Canal. Ah oui, non, mais... Action quelque chose. Action directe. Oui. Action directe. Direct. Voilà. Bon, donc du coup, en fait, c'est le premier cri, le premier... Tu penses que c'est la continuité de... Mais c'est de une ça. Cause, à un moment donné, quand t'as plus rien à faire, quand tu sais pas quoi faire de ta vie, quand tu... Il y a autant de pression sociale quand tu ne trouves pas ta place et qu'on ne te donne pas ta place. T'es vulnérable. Et t'es intrigué par des mecs qui te donnent ce que tu veux, c'est-à-dire un but. Non, si tu vas vers la seule porte qui t'est ouverte. Ouais. Voilà, c'est comme la société ne nous donne pas de but, en fait, à part « Ah là là, réussissez votre vie ». Ne finissez pas au chômage, soyez pas un glandeur. Après, moi, je ne suis pas le genre de mec à dire « C'est de la faute de la société ou quoi ». La société, elle s'en fout. La société, on a le droit à l'éducation, le droit à la santé, c'est bon. Après, le reste, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ton entourage qui fait que, tu vois. Ah, pas d'accord. Pas d'accord. Si, pas d'accord. Quand même. Mais non, mais demandons au chanteur Renaud ce qu'il en pense. Je propose qu'on l'appelle maintenant et qu'on passe peut-être à autre chose après. Nicolas Sarkozy. Mais, petite parenthèse, j'ai vu un documentaire sur Renaud il n'y a pas longtemps et je ne connaissais pas du tout le bonhomme. Putain, je ne savais pas qu'il était aussi engagé. Hein. Il est con. Alors, est-ce que vous avez fini Ouais, ça, on a fini. Une bonne conclusion sur Renault. Très sérieux et une parenthèse, tu peux même en faire un mini épisode, je pense. Ok, je le mettrai dans bonus sur Politique Mag. Transcendance, mon podcast. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment un film. Oh bah, c'est American Assassin. Ouais, un représente film de merde. L'état représente, d'esprit ouais, c'est, ça a une signification culturelle. Et maintenant, on va parler d'aussi un truc assez glauque. Ce sera culturel. On va se j'ai pas d'autres mots. Taper la bande annonce. On va tous écrire notre nom sur un petit carnet. non, salut. Heureusement, j'ai un pseudo. Moi j'ai bien aimé parler de ça avec vous. Oh putain, déjà la musique, j'en peux plus. Inspiré du manga. Du phénomène mondial de machin. De la japonaiserie. Ouais, c'est ça. De la niakouerie. De la transcendance nippone. Il est con. On a tout occidentalisé. En purée, elle dure 2 minutes 5. Alors, on commence. On va commencer à parler Death Note. Non. D'abord, Death Note, c'est quoi ? Death Note, c'est un manga donc, qui s'appelle donc, en japonais, c'est Detsu Noto. Donc, c'est littéralement Carnet de la mort. D'ailleurs, c'est le titre québécois. Donc c'est un shonen écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Ça a été pré-publié dans le magazine Jump, là, yeah. comme Naruto, One Piece, à peu près la majorité des shonen, limite. C'est Shonen Jump, pardon. D'ailleurs, petite parenthèse juste sur le Jump. Ouais. Juste sur le Jump, parce que ouais. ils hésitaient à le publier parce que c'est pas un shonen classique, c'est un petit peu limite. Ça ils tombe vers le seinen. Ouais, ils hésitaient vraiment. Excusez-moi. Une définition de shonen et de seinen. Shonen en japonais, ça veut dire jeune garçon. C'est une histoire qui s'adresse à peu près. C'est une histoire qui s'adresse à peu près au public jeune garçon parce que d'accord. ça met en scène un héros qui est jeune garçon. Et le seinen. Le seinen, on est plus du côté du jeune homme de façon générale. Ouh. Donc on va dépasser à l'âge, je sais pas, les 18 ans. Bon, 16 ans, non, quand même pas. Entre 15 ans. Moi, je pensais que c'était du savon. En fait, ça veut dire que l'histoire traite de sujets plus ouais. mûrs voilà, et il y a une petite censure, quoi. Un enfant peut pas regarder ça. Normalement. Ça a tendance à parler de choses plus psychologiques. Donc, il y a eu un animé qui a été donc adapté par Tetsuro Araki. C'est 37 épisodes, donc une saison. Ouais. C'est en 2006 que c'est sorti. Et il y a aussi eu 3 films live. Ouais, donc, que j'ai tous vus. Japonais, hein. Ouais, japonais. Je précise, donc c'est pas du tout l'adaptation qu'on a eu là maintenant. C'est ouais. des espèces de spin-off. Non, les films avec elle. Non, les deux premiers, c'est l'adaptation du manga en film live-action. Le troisième, c'est un spin-off. Mm. Donc, je vais demander un résumé, s'il vous plaît. Hop, Antonin, vas-y. Moi, j'ai cru que t'allais dire... quel est votre avis sur le film Julie, pour référence à... Sub, t'es chaud ? Enfin, deux heures de perdu. Résumé de Death Note. Résumé de Death Note. C'est le manga original. Oui, le manga original. Le manga original, s'il vous plaît. Si vous voulez, je le fais tout simplement. C'est vas-y. Un jeune garçon qui un jour tombe sur un livre dans lequel il y a marqué que si l'on écrit le nom d'une personne en connaissant son visage et donc son nom complet, eh bien, on peut le tuer en contrôlant la manière dont ça se passe. Au début, le jeune homme n'y croit pas et puis tombe finalement sur Ryuk, qui est un dieu de la mort, qui lui dit « Mec, vas-y, fais-toi plaisir, c'est fun, moi je vais regarder. » Exactement. On y viendra, mais je sais très bien. Oui, retenez ce que dit Jonas. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît, on en reparlera, on fait étape par étape, puisque donc il découvre qu'il peut tuer absolument tout le monde et se pose la question « Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir ?» C'est le principe. Je pense pas qu'on va aller plus loin. On va en parler plus dans la zone spoil, puisque comme d'habitude, on va partager. Donc, on parle d'un truc plutôt récent dans une zone non spoil où on va pas spoiler, s'il vous plaît, attention. Et dans l'autre zone, ce sera on va lui spoiler sa gueule à ce putain de film. c'est un film, l'adaptation Netflix réalisée par Adam Wingard. Je l'ai lu son nom dans tous mes carnets en espérant qu'un jour ça fonctionne. On va y revenir. C'est moins rigolo que ça en fait. Il a réellement reçu des menaces de mort en fait. Mais normal. Et c'est allé très loin et vraiment. Mais calmez-vous. Mais parce qu'en fait, Death Note, comment dire, C'est une religion. Parce qu'en fait, là, avec Val, on différenciait shonen seinen. Mais en fait, Death Note, c'est un petit peu un transgenre parce qu'il y a des codes du. Non, mais il y a des codes on du shonen. Mais c'est vrai que ça a fait passer pas mal de. Du coup, d'un garçon qui regarde Naruto ou One Piece qui est tombé sur Death Note et puis qui, d'un coup, s'est dirigé vers d'autres styles de manga, d'anime. Donc, ce manga tient énormément à cœur à beaucoup de gens. Ils ont réagi de manière extrêmement violente. Donc c'est aussi scénarisé par Charles Palapanides. Lui, il faut écrire son nom dans la description. Vlas Palapanides. Donc c'est des frères. Et Jeremy Slater. Donc qui joue dans ce film, qui a la chance de jouer dans ce film. À mon avis, ça va faire leur carrière. Nate Wolff, Willem Dafoe. Bon, lui, c'est le meilleur du film. Et de toute manière, il n'a pas besoin d'une carrière. Il en a déjà une ouf. En fait, tu prends le générique et tu mets tous les noms directement, sauf Willem Dafoe. C'est ça. Carrément. Non, Antonin, ne fais pas de violence transcendante, s'il te plaît. Donc, Margaret Qualley, Keith Stanfield. Donc, ça a été produit par LP Entertainment. C'est un film de 101 minutes de bonheur, un thriller fantastique. Je pense qu'il pouvait enlever fantastique. est-ce que tu as le budget ? J'ai pas regardé, je voudrais savoir, je suis curieux. Je t'invite à faire une petite recherche sur le sujet. Je n'ai pas le budget. Donc, le titre québécois, c'est Carnet de l'amour. Voilà. Et vous moquez pas, hein. Nos cousins, les Québécois, ils sont très gentils. Et voilà, voilà. Donc, bah, il est sorti le 24 août 2017. Et déjà, rien qu'à la bande-annonce, ça sentait le poisson. Je vais d'abord faire un petit tour de table en vous demandant pour vous si vous kiffez le manga et ensuite le film. S'il vous plaît, faites par étape étape. Ne vous déchaînez pas directement sur le film. Vas-y. Moi, du sens, Death Note, c'est le premier manga que j'ai lu de ma vie. La première fois, genre, je l'ai chopé en scan et je l'ai complètement dévoré. J'ai adoré. Voilà. T'avais quel âge ? Claque. Donc, je devais avoir 16-17 ans. Donc, t'étais un shono, un show. Non, un nun ou un shonen. Bref. D'accord, donc t'as adoré, ouais. Ça a formé ta culture manga-kayenne. Ça a très influencé la vie que j'ai eue ensuite sur les autres mangas. J'ai cru que tu allais dire ma vie. Oui, moi aussi. D'une certaine façon, oui. Et les mangas canadiennes. Et ça a influencé aussi tes agendas sur lesquels tu écrivais le nom de tes profs. Non, je me suis contenté d'acheter la Death Note et à exposer chez moi. Attends, mais comme tu as un passé d'évadeur de d'école, je voulais savoir si tu avais graffé le nom de tes profs partout sur la... Sur l'école. Non, malheureusement, sinon mon écriture est beaucoup trop reconnaissable. D'accord. Et en fait, tu nous parlais du film, ouais. Tu vas être un peu la défense à la barre. Bah, en fait, le film, je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé mauvais. Cependant, je trouve quelle surprise avait... Oh putain. Il avait de très bonnes idées qui ont juste été mal exploitées en fait. D'accord. Voilà. Bilk, alors pour toi le... Oui, c'est le but. On est là pour ça. Allez, ton avis sur le manga, Moi le manga, j'ai vu juste l'animé et tous les films et toutes les séries, il y a eu des séries aussi faites par des Japonais. Ah, il y a eu deux séries, j'ai regardé l'anime, j'avais 14 ans. Et franchement, c'est le premier manga, j'adore les mangas, c'est le premier manga dark, enfin Full Metal, ça l'était un peu, parce que c'était... ça l'est carrément. Ouais, non, mais je veux dire... J'aime le un peu. Non, mais, si on parle de génocide, on parle de Full Metal. Non, oui, mais je veux dire... C'est carrément pire. Hein, non, mais Full Metal, ils se battent, c'est rigolo. Ah, t'as mangé ? Ouais, viens ! Alors que Death Note, à aucun moment... Light, tu viens manger ? Ouais, je vais prendre des chips. Voilà. Le personnage de L, il est présenté carrément de manière comique à plusieurs reprises. Ouais, même mais... le personnage de Missa Amané a des... Est un, ouais, c'est un bon, certain mais calmé, Missa, elle est super... Oui, mais les traits des personnages, j'ai pas déformé quand ils gueulent ou quand ils font des trucs rigolos. C'est surtout Ryu, le personnage marron. Bon, bref. C'est pas tous en même temps. C'est moi qui parle. Donc, dis ton avis sur le film, maintenant. Attends, mais j'ai rien dit. Là, j'ai juste... C'est bon, t'as marqué 10 minutes, c'est bon, là, non, c'est fini. Non, mais ils m'ont coupé. Non, juste que Death Note, c'est vraiment un manga qui m'a influencé, qui m'a construit un peu, parce que ça te parle, en fait, de la notion de bien et de mal, et de Dieu, en fait. La notion de Dieu est bien mise en cause tout le temps, la pomme, et le Dieu, et aussi le châtiment divin qui s'abat. Et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est du ressort du Dieu, des humains, et... C'est juste magnifique. Le concept est tellement simple, mais magnifique. Après, pour le même concept, il y a un manga qui s'appelle Jésus et Bouddha en vacances. Ouais, c'est trop marrant. C'est un peu le même thème, mais on peut rigoler. C'est ça. Et le film Netflix, bah, j'ai voilà. Non, mais le film Netflix, voilà, c'est bon. Non, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, en fait. Pourquoi ? Et pour quel public aussi ? Je te l'expliquerai. Bon, d'accord. Alors, Val, dis-nous ton avis sur le manga d'abord. Pareil, découvert sur MCM en animé à 14-15 piges. T'es obligé de citer deux autres marques, là. TF1 Gulli, voilà, c'est bon. Merci. Qui fait partie des premiers animes que j'ai regardés avec GTO, Fullmetal Alchemist, Great Teacher Onizuka et One Piece, tout ça. GTO et Great Teacher Onizuka, je détaille comme ça. J'ai peur que ce soit la même chose. Très différent. Non, je suis déçu. Et excellent animé qui mettait pour la première fois, en fait, te montrer un héros que tu pouvais détester ou adorer selon ses choix qui sont moralement questionnables, etc. Et le film est questionnable par son existence. Voilà. C'est-à-dire que... Antonin, on finit par le plus transcendant. Ah, mais quand ! Je vais pouvoir me lâcher. Alors, le manga... j'en ai lu quelques pieces, one piece. Et sinon j'ai vu l'anime et j'avais adoré ce sens du suspense avec des petits détails, comme tu disais en off, Bill Kahn. Non, non. Tu vois ce que je regarde sur ma main. Le retour fois. De la main. voilà, t'as tout ce rapport à la mort. Tu le reconnais ? C'est Bill Kahn. Tu l'as vu la semaine dernière. Papa. Et la profondeur des personnages, des sujets traités, etc. C'était... Il y avait tellement de matière, tellement de matière à faire un film. Et là, en fait, c'est comme s'ils avaient pris des personnages, ils avaient vomi dessus, ils avaient retourné, quoi. Et j'imagine vraiment des fans de Death Note qui sont à la restent dans la salle de cinéma avec un cahier qui note vraiment tous les noms du générique. En disant, ils vont mourir. Mais il y a tout ça dans l'amour et la bonne humeur, mais... Heureusement que le film est sorti sur Netflix, comme ça on peut mettre pause. Ah ouais. tu rates personne. Heureusement que c'est pas sorti au cinéma, sinon. Sinon il y aurait des cinémas qui auraient brûlé sans déconner. mais par contre c'est un peu une espèce de. Ok. Bon je dirai plus rien parce que je n'arrive pas à le faire. C'est un peu une maladie américaine d'adapter des mangas genre Pacific Rim de la daube. Tu avais aussi. Excusez-moi, mais il me semble que Pacific Rim à la base c'est un comics. C'est non, mais pas un manga. Non, mais le genre kaiju non, oui, mecha. Voilà. En fait, c'est que c'est un comics d'une personne qui est fan de kaiju, justement. Et de mecha, apparemment. Oui. Mais alors, du coup, ça fait deux fois qu'il y a cet aller-retour, puisque je sais pas si vous vous rappelez de Mitz, je sais plus comment ça s'appelle, mais un porte-avions américain qui se retrouve téléporté avec une tempête transcendante en pleine Seconde Guerre mondiale. Et j'ai lu un manga qui s'appelle Dipang, qui veut dire le grand Japon, etc. Et c'est exactement la même histoire, mais version Japon. Et je me suis dit, mais tiens, les Américains sont encore... ont été encore influencés par les mangas. C'est pas vrai. Le manga a été influencé par le film, mais le film a été influencé par une nouvelle d'un japonais. Et c'est pareil pour Pacific Rim. T'as ce même genre d'aller-retour comme ça. Mais à chaque fois, il c'est adapte. La culture. Voilà, il l'adapte à la sauce américaine. Je pense que les gens ont réussi à te suivre, mais je sais pas où. Attends, c'est Zipong, pardon, pas Yipong. Et moi, en fait, mais on en avait parlé dans l'émission de Ghost in the Shell. C'est en fait, le fait que le monde soit fermé à la culture japonaise, mais encline à la culture des États-Unis, parce qu'on parlait d'Inception que j'entendais autour de moi, c'est trop bien, c'est du jamais vu, machin quoi. Mais vous savez que c'est une adaptation, un remake d'un film d'animation qui s'appelle Paprika, les gars. Paprika, c'est pas c'est vrai. Mais c'est la même. C'est pas la même non plus. Il y a pas des mecs avec des guns qui débarquent. Mais pareil, comme disait Antonin, ils l'ont américanisé. Mais je te jure, il y a une vidéo sur YouTube qui compare plan par plan. C'est la même position de la caméra, la même position des acteurs, les mêmes trucs. T'as vu les vidéos avec les séquences, voilà, qui se ressemblent particulièrement. C'est comme Harry Potter, c'est Naruto. C'est la même chose. Non mais c'est la même chose. Harry Potter, c'est Malabule. Ce n'est pas. Non, non. Naruto est plus récent que Harry Potter. Hein, c'est le contraire. C'est Harry Potter 1999. Naruto 99 et Harry Potter 86, 87. 96, les bouquins, c'est 97, 98. Bon bref, notre ami Google. Bah, Naruto un an plus tard. Naruto, c'est 99, ça je le sais. Il l'a écrit aussi sur les pampers. Enfin, il a dessiné sur des pampers. Il a dessiné sur des pampers. Non, mais surtout que la date est gravée sur son bras, comme on peut le voir sur son magnifique tatouage. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Revenons à notre cahier de la mort. Défoncer un film, monsieur. Oui, on peut commencer par raconter comment ça se passe dans le film. Déjà, quelles sont les premières sans grosses spoiler. Différences, sans spoiler, s'il vous plaît. Sans spoiler, les premières grosses différences qui sont ignobles, c'est les personnages. Alors, on va faire un comparatif manga-film. Alors, dans le manga, Light, c'est le fils du préfet de police. Il a un sens aigu de la justice avant même que tout commence. Hein. Il est brillant à l'école, il réussit tout. 97. Il y avait un 7, mais je ne sais plus. Donc Light, il est brillant, il réussit tout. Il travaille dur parce qu'il veut passer le brevet, enfin, le concours pour être... fonctionnaire ou quoi. En France, on s'en fout, mais au Japon, c'est un truc de ouf. Il est très intelligent, il est calme, il est réfléchi et il contrôle ses émotions parfaitement. Sauf quand, bien sûr, il perd parce qu'il n'est pas habitué à perdre. C'est un gagnant. Il a toujours gagné toute sa vie. Et quand il perd, comme c'est nouveau pour lui, cette frustration, il se laisse un peu aller, mais il perd le contrôle. Voilà, il contrôle, il est calme. Ça, c'est voilà. Late. Et dans le film. Et dans le film. C'est un ado frustré. C'est un loser. C'est un loser. Un loser qui. C'est typiquement un loser. C'est la première scène où on le voit, il me semble. C'est donc, si je dis pas de bêtises, il se vient de la gueule. C'est un néo-gothique voilà. Qui dessine sous la pluie. Non, vraiment, complètement. Vraiment. C'est là où c'est le syndrome Spider-Man. Je pas tous en même temps. C'est le syndrome Spider-Man. De loser, tu deviens super-héros. Sauf que ça fonctionne pas avec. Parce que ça reste un loser. Avec, non, mais tu sais. Parker au début il se fait un peu violenter par ses camarades, ouais, il a ouais. Les lunettes et les machins, et après c'est le tu vas devenir better mon fils, tu vas être encore mieux, alors que le manga c'est pas du tout tu vas être encore mieux, c'est si t'as une forme tu d'évolution vas changer, mais tu vas changer tu vas voilà, changer c'est... de l'intérieur tu vas c'est plus complexe dans quoi. Le manga c'est surtout en fait qu'il y a pas vraiment d'évolution, c'est plus la révélation de son véritable lui, il peut enfin c'est être vrai. Lui-même grâce au Death Note, alors que chez les Américains tu es un autre. Tu viens d'un mec normal et tout d'un coup, tu es quelqu'un d'autre. Tu deviens c'est super. C'est le self-made man. Quoi. Voilà. Et c'est une tapette. Mais c'est vrai. Oui, non, mais ouais, mais il grave. Crie, non, mais il crie, l'acteur. Avec une belle coupe de cheveux. Non, mais quand il crie, j'ai, l'acteur. J'ai l'extrait. Ça me tue. J'ai l'extrait, on peut passer la petite différence, si vous voulez. La comparaison entre les deux. Exactement. Oh, donc là, vous avez dans l'animé. Il faut peut-être décrire en même temps, non ? L'apparition de Ryuk. Ah oui, c'est sa respiration. Voilà, c'est ce qu'on parlait de ça. Ce n'est pas un porno, nous précisons. Non. Donc là, Light, le personnage porno, principal, you've taken quite a liking to it. Et Ryuk apparaît, un démon de la mort, quoi. Monstre qui apparaît comme ça dans sa chambre. Et voilà, attendez. No reason to act surprised. I am the Shinigami Ryuk. That used to be my notebook. Judging by your laughter, you've already figured out that what you have is no ordinary notebook. Mettons japonais. Mais on comprendra rien. Shinigami, a god of death, huh? Well, I'm not surprised. Je ne suis pas surpris. Ouais, il reste maître de la situation. Exactement. Il envisage déjà tout. Je suis tombé de ma chaise. Je suis pas surpris. Bien sûr, je demande une petite musique ridicule. Pendant ce temps, dans le monde de Death Note Netflix. Oh, la coiffure ridicule. Pareil, Ryuk apparaît. Il y a juste sa voix qui est bien. C'était le cri légendaire de Light. C'est pour ça que j'ai mis en anglais. Je l'avais oublié. La virilité s'est envolée. Et là, tout d'un coup. Attends. C'est pas fini. C'est lui, hein. On dirait qu'on égorge une truie. Clairement, en fait, c'est beaucoup trop long. Le cri Willem, c'est fini. C'est le cri mais Light. Fin, je me demandais, mais c'est bon, c'est une tempête. En fait, c'est naturel. Enfin, qu'est-ce qui se passe ouais, tiens, son apparition. Pourquoi faire une tempête non, mais c'est c'est dramatique. C'est nul parce que ça amorce. Il y a des trucs qui ça volent désamorce. Partout. Non, ça amorce son arrivée. Il y a des trucs qui volent partout. C'est dire, waouh, c'est pas normal, mais on n'a pas peur. Et surtout qu'après, voilà. Personne ne le remarque. Oui, c'est surtout ça en fait. Moi, quand je me fais, mais ils vont laisser ça comme ça, ils vont pas ranger. Mais ouais. Mais c'est ça. Moi, je me suis dit, mais attends, mais le mec, pendant 5 heures, après, il a rangé en zone. Putain, je me. Précisons quand même que ça se passe dans les 5 premières minutes du film. Hein, donc, toujours. Voilà. C'est nul. Et surtout le personnage de Ryuk. Enfin, je veux dire. Même si physiquement, là, bon, ça va, mais on a l'impression qu'en fait, il avait du maquillage et puis il a juste une averse et ça a coulé, donc c'est un peu ridicule. Mais moi, c'est surtout que Ryuk, c'est un mec, c'est un dieu de la mort, il est, voilà, il s'emmerde, il trouve ça marrant, et puis c'est comme s'il suivait une pièce de théâtre, je sais pas, un film. On précise qu'il a fait tomber son carnet de la mort volontairement dans le monde des humains. Et dans le manga, il n'a pas de prise. Il ne manipule pas Light. Oui. Il observe simplement. Dans l'animé, on nous vend que c'est lui le plus grand manipulateur. Pour en parler, je pense qu'on va passer directement à la zone spoil pour pouvoir défoncer plus efficacement. Oh, c'est ma musique. Mais alors, Vilka, tu nous as choisi quoi comme chanson ? Alors, j'ai choisi une chanson qui vient de l'animé Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Ça, c'est une musique qui vient de la saison 2 qui s'appelle Call of Silence. C'est une musique magnifique. Bienvenue voilà. Sur animecast.com. Alors, une belle session qui vous transcende. On va vous parler de Mikasa, comme je suis amoureux d'elle. Mikasa. Voilà. Moi aussi. On l'a tous fait. C'est... Non. Mikasa, c'est alors, non, rien. C'est pour les, Mikasa, pour, c'est les personnes, pour les personnes présentes ici qui n'ont pas vu la deuxième saison d'Attack on Titans, nous te demandons... très poliment et gentiment. Tu spoil, on te... Non, je spoil pas. D'accord. Spoil, c'est la mort. Alors, qui a fait cette chanson, cette Johnny chanson? Ah ben, je sais pas. Mais c'est Hiroyuki Sawano. Exactement. Donc, c'est quelqu'un, c'est une... C'est un compositeur, c'est un homme, pardon. Ouais, c'est un mec. Il a fait la saison aussi, toutes les musiques oui. magnifiques de cette... Oui, oui, du coup, c'est un gars qui est né dans les années 80, qui est né en 1980... qui a fait pas mal de musique dans les animés, les dramas et les films japonais. En plus, il est sur un label qui s'appelle VV Alkline. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, mais ils font des animes. Mais en tout cas, il a lancé un projet de chant qui s'appelle Sawano Hiroyuki. Hiroyuki. Voilà. D'accord. C'est beau. C'est tout. C'est... Voilà. D'autres choses à dire sur cette chanson? Qu'est-ce que elle ça est juste magnifique. C'est mais en plus, comment dire, cette chanson, elle survient à un moment. Ah putain, non, ça mais non, je vais pas spoiler. Vous ne voyez pas, mais les larmes coulent actuellement. Mais non, cette musique survient à un moment de l'histoire absolument très beau et très lyrique. Et en fait, cette chanson a une signification en elle-même parce que les paroles sont en anglais. Donc ça raconte un truc, si vous avez pas trop prêté l'oreille aux paroles, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, comment dire, les images qu'on voit quand cette musique arrive font que ça prend une autre signification. On stresse. Et c'est pour ça que je sais que Val... parce que moi je comprends les paroles en anglais, donc... Okay. Non, mais je sais que Val et Sub, qui sont en train de regarder la saison 2 de Shingeki no Kyojin, et pas Attack on Titan... quand ils vont regarder ça, ils sauront de quoi je parle et ils vont alors, adorer. Je sais qu'on pourra peut-être faire un débat VF, VO, oui. Dub, donc doublé, non doublé sur les animés, mais c'est l'attaque des titans. c'est pour moi, c'est Shingeki que j'ai vu. Il faut respecter l'exception culturelle. Cultural exception. Mais je vais pas me forcer à regarder un truc dans une autre langue sous prétexte que c'est l'original. Surtout du titre, l'attaque des titans, c'est qu'on perd le sens original. On a l'impression que c'est les titans qui attaquent, alors que le principe, c'est plus... Mmh. Plutôt, disons, oui, je comprends. C'est la contre-attaque. Je comprends ouais, c'est ça. Titans, la contre-attaque des titans. Ah, mais ça fait pitié en français. En fait, les Français ont traduit le mot anglais, qui lui-même est traduit du japonais. Donc, non, attaque on titans, c'est toujours on attaque les titans. Mais moi, j'ai cru que c'est bonne. Attaque on titans, j'ai cru qu'ils étaient surdits à titans et ils s'attaquaient mutuellement. C'est des chevaux. Chevauche ton titan. Chevauche ton titan. My little titan, my little titan. En parlant de culturel et de différence, est-ce qu'on peut cracher sur le film? Il attend que ça comme un enfant. ouais oui mais là on a longuement parlé des différences entre cracher sur le film sans argumenter, sans faire quoi parce que cracher sur le film, tout le monde l'a fait, mais essayer de comprendre pourquoi le film s'est craché, après le film est un argument lui-même quoi. Non, ouais, mais Vas-y, Bika. Alors, comme je disais à Val un petit peu avant, en fait, Netflix, Death Note, c'est un concept, en fait. C'est un jeune homme, c'est-à-dire qui n'est pas encore construit psychologiquement, vu son jeune âge, tombe sur un cahier qui a un pouvoir magique. Ça lui donne un pouvoir, t'écris machin, tu meurs. C'est ça le concept, en fait. Et le concept peut s'exporter dans tous les pays, dans tous les personnages. Voilà, et... Donc, on va pas parler de whitewashing, de blackwashing. On s'en fout. Et surtout que dans le manga, le Shinigami Ryuk, qui fait volontairement tomber sa Death Note dans le monde des humains pour qu'un humain la ramasse, le fait régulièrement parce qu'il se fait chier dans le monde des dieux. Non, mais c'est ce qu'il ça dit. Ça n'a jamais été dit qu'il l'ait fait mais plusieurs si. Fois. Non. Il, c'est la première. On le voit justement, le manga commence dans le monde des Shinigami. C'est une interprétation. Et on voit Ryuk qui dit « Bon, c'est bon, je m'ennuie. » Je vais prendre la Death Note c'est, et d'accord. le déposer. Il l'a pas dit, c'est une interprétation et l'auteur a dit, c'est vrai, vous avez raison, parce que à chaque fois, non, il l'a dit à un fan qui l'a eu en convention, c'est que à chaque fois que Light fait un truc intéressant, Luke il se gosse, il rigole et il dit, les humains sont tellement amusants, tellement intéressants. Du coup, on supposait que c'est pas la première fois qu'il le fait et l'auteur l'a dit. Oui, j'accepte. Il l'avait pas accepté lui-même, il dit j'accepte que il l'ait déjà fait plusieurs fois. Et là, tu touches à un fondement même de l'histoire, c'est que ça commence dans le monde des dieux de la mort. Et juste ça, le fait qu'on ait ce rapport olympien avec les êtres humains, tu sais, avant Zeus, etc., jouer avec les êtres humains, ça induit tout de suite que les personnages qui vont être nos héros n'ont pas tant d'importance que ça aux yeux de Ryuk. Et donc, du coup... au nôtre, et ça implique un rapport avec le destin, la destinée, la vie, la mort, qui est complètement différent, qu'on ne retrouve absolument pas dans le film, ou dans le film, c'est plus, on est acteur de, puisqu'on peut agir contre la destinée, alors que dans le manga, même les personnages principaux, cette destinée, elle est tout le temps présente. Quand on voit Misa qui arrive, et bon, on sait que... Précisez d'abord, qui est Misa, s'il vous plaît? Misa, c'est la meuf de Light. D'accord. Dans le film Netflix et dans la série, elle n'a pas du tout le même rôle. Le personnage de Misa n'existe pas dans le film, mais j'y reviendrai. Oui, Misa, voilà. Pardon, attends, c'est une demi-Misa, quoi. Je rappelle qu'on est entré dans la zone spoil et on va spoiler le film. Mais n'oubliez pas, jusqu'à la fin du podcast, on va spoiler sa race. Je rebondis sur ce qu'a dit Antonin sur le côté destiné. Bah, la preuve, dans le film, ils ont rajouté une nouvelle règle au Death Note. Parce que dans le manga, dans tout, tu marques le nom, c'est fini, son destin est scellé. Mais dans le film Netflix, ils ont rajouté une règle. Si tu brûles la page où il y a écrit ton nom, tu ne vas pas mourir et tu vas vivre heureux. C'est tellement la règle du Deus Ex Machina, ça. En réalité, ce n'est pas une règle qui a été inventée par le film. Lorsqu'on regarde en fait, les entrepages qu'il y a dans le manga papier, il y a justement un petit délire de l'auteur où on pouvait effacer les noms. Afin d'éviter qu'il meure si on le fait. Non, je me rappelle que dans l'anime, quand il y a marqué une fois que ton nom est marqué, le destin du mec est scellé. Dans les notes de l'auteur, en fait, l'auteur se tapait des petits délires avec des petits mangas qui ressemblaient à Death Note, mais qui n'étaient pas exactement Death Note. Il expliquait des gags, concept. Des gags. Oui, mais cette règle, elle n'est pas dans la liste. C'est quelque chose qu'il n'a pas voulu mettre parce que ça enlevait le côté dramatique. Oui, la technologie du carnet papier n'est pas tout à fait à jour chez les dieux de mort. Il avait fait le même manga, mais avec des post-it. Ça marchait beaucoup moins bien. Tiens, il y a aussi un truc. Tiens, je te fous ton post-it dans la gueule. Il y a aussi un truc dans le manga qui mettait un suspense de malade. Merde. Il y a aussi un truc dans le manga qui mettait un suspense de malade, c'est qu'il y a beaucoup de règles. D'ailleurs, la première réaction de Light Netflix, c'est oh, il y a beaucoup de règles à retenir quand il voit les règles. C'est le mec face à sa leçon. C'est tu ça. Vois, alors, attends, je propose qu'on l'appelle Netflux. Netflux, il voit les règles. Oh, c'est dur à retenir. Oh, alors que Light, il voit ça, il lit les règles, une fois il a retenu, et la première chose à laquelle il pense, c'est comment je vais les utiliser. Parce qu'en fait, il joue avec les règles pour chercher les failles de Ryu. Ouais, et jouer avec ça. Oh, alors on précise que Light, dans sa vie scolaire, est un génie. Il parle extrêmement bien anglais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive à lire le Death Note. Ouais. Et même partout, il va être très grand stratège. C'est un génie, tout court. Ouais. Et évidemment, ce gentil monsieur va essayer de faire la loi dans le monde et de tuer les méchants. Donc les criminels et tout, il commence par ça. Et il est pourchassé par un policier. Alors que Netflix, pardon. Netflix, alors que Netflix, ouais, il commence par tuer le mec qui le fait chier à l'école. Ouais, non, ouais, la justice. Ouais, voilà. Vengeance à l'américaine. C'est ça. Tu en penses quoi, Val? De spécialement comment le film débute. Comment il utilise son cane. Non, c'est parce que depuis tout à l'heure, on monopolise un peu la parole. Et je pensais que ça vient. Antonin a essayé de faire l'animateur, il a fait « Et toi ?» De quoi ? J'admire le geste. Prise de pouvoir. Non, mais en fait, ce qu'il voulait demander, c'était à propos. Donc, parce qu'on n'avait pas fini nos phrases, mais juste, je vais juste finir sur le fait que. Il est poursuivi par un enquêteur, un policier, qui est également un génie. Et ça va vraiment être un duel de génie. Le manga se base sur ça. Et on est d'accord, le manga, leur intelligence est à peu près similaire. Ah oui, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Ouais, parce que les personnages sont tout simplement pas les mêmes. Et c'est le point que j'évoquais avec toi, justement. C'était que c'est normal que les personnages soient pas les mêmes, mais c'est frustrant d'avoir un L, d'avoir un Light, et de pas retrouver un L et de pas retrouver un Light. Et le choix aurait dû être vraiment plus radical, comme tu proposais, je te cite... Hein, toute la gloire te revient. Ils auraient dû garder le concept du notebook et le remettre avec d'autres personnages. C'est vrai que je suis d'accord. Je vais prendre la comparaison avec James Bond. C'est que oui, ils vont faire des films super différents, mais ils vont garder l'identité du James Bond. Parce que s'ils changeaient, James Bond devenait agriculteur, je sais pas, ça ne serait plus un James Bond. Donc là, faire un Death Note, il y a le principe. Donc, de base, qui est tu trouves un carnet, tu mets le nom d'un mec qui te fait chier, boum, il meurt. Mais c'est vrai que s'ils avaient gardé les mêmes personnages, un peu, on va dire, le même archétype, pas, on s'en fout de la tronche du personnage. Par exemple, pour moi, c'est la fille qui aurait dû être l'héroïne, parce qu'elle a ce côté calculateur et intelligente. En fait, elle l'est. Je vais justement, c'est de ça en fait dont je vais parler tout à l'heure. En fait, c'est la défense à la barre. À propos des bons points du film, en fait, autant en parler tout de suite de toute façon. C'est que, donc, comme je disais, Misa, donc, qui normalement dans le manga est la entre guillemets petite amie de Light. Stalker. Oui, c'est clairement un stalker. Mais donc en fait, elle a elle aussi un Death Note et elle a aussi un Shinigami, etc. C'est un personnage très important qui est l'outil le plus utile qu'a trouvé Kira pour pouvoir... Elle est coéquipière dès le début, en fait. En y réfléchissant, elle est coéquipière et outil à la fois dans le manga. Dans le manga, Misa ne prend jamais aucune décision. Par elle-même. Ce n'est qu'un outil. Elle n'est que commanditaire, exécutrice. Et le truc, c'est que justement, souvent, en fait, il y a beaucoup de personnes que j'ai vues, quasiment tout le monde, considèrent que Mia... le personnage donc de Netflix qui donc le nom même ressemble à Misa, mais en fait souvent les gens pensent que c'est l'adaptation de Misa, alors qu'en réalité Mia est elle-même Kira. En fait, Kira est deux personnes dans le film de Netflix. Kira, en fait, on a d'un côté Light qui est le côté beaucoup plus justice, beaucoup débile. Plus voiture. Oui. Enfin, c'est le collégien, quoi. Non, c'est vraiment le côté qui est... Ils ont c'est infantilisé veut... Light. En fait, c'est lui qui veut la justice. Mia, elle, est sans contre-fiche. Elle cherche le pouvoir. Elle cherche à conserver le pouvoir. On le voit directement dans le film, justement, parce que dès que Kira est en danger, c'est elle qui décide, on va le tuer. C'est elle qui propose tout de suite aussi, il y a ton père qui vient nous défier, on va aussi le tuer. Et Kira, dans le manga, n'aurait pas hésité à tuer son père. Bim. J'aime comme tu transcendes le débat. C'est vrai que t'as raison. Le truc, c'est que même quand on regarde simplement le film... Quel débat, on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde. C'est vrai. Le film, en fait, à aucun moment, on ne voit... en fait, le premier moment, à aucun moment, en fait, Ryuk disparaît complètement du film, justement. Parce que à partir du moment en fait, où Kira est en place, là, en fait, il y a donc les deux personnages qui sont tout le temps ensemble, tout le temps en train d'écrire ensemble. Kira on ne voit est une entité. Explique-nous ce que c'est Kira, excuse-moi. Donc, Kira, en fait, donc, c'est le dieu créé artificiellement par Light dans le manga. C'est le nom qu'il se donne pour pouvoir dominer. C'est sa représentation publique. Hein. C'est sa représentation publique, c'est pour que les gens puissent. Il y a Tous les morts, tous les criminels qui sont morts, il veut les attribuer à un symbole, Kira. Pour qu'en fait, que les gens savent que c'est une... Il veut se faire passer pour un dieu dont la justice divine châtie les méchants et donc soyez tous gentils. C'est ça. Et le truc, c'est que donc, Kira, à partir du moment donc, où le duo Kira est en place dans le film, on ne voit jamais Light écrire tout seul dans le carnet. À partir du moment où Kira est créé, tout le temps, ils écrivent ensemble. Oui, mais à ce moment-là, on perd la rivalité entre deux intelligences. Puisque maintenant, on n'a plus qu'un duo que d'un seul côté, alors qu'avant, on avait vraiment une opposition qui nous tenait en haleine. Et c'est vraiment qui découvre l'autre en premier, vit ou meurt. Mais on n'est plus dans le jeu de chasse à l'homme dans ce film. Oui, clairement. Parce que elle découvre, je crois, la 35e minute. Ouais, c'est... Il est à Boston. Mais c'est le père de, c'est le fils de. Il du n'est policier. Pas japonais. Et en fait, il y a deux scènes dans le film Netflix où elle et Light se confrontent. Quand il est chez eux, il mange, il arrive de force. Et quand ils sont dans la cafétéria, et en fait, à chaque fois, elle est hors d'état de lui, comme un bébé qui dit il est où mon papa. Et en fait, le but de ces dialogues, c'est une espèce de confrontation un peu non dite, mais à la fin avouée. Avec elle qui montre son visage. Ouais, mais ils sont directs de ouf. Hein, tu sais, dans le manga, c'est plus subtil. C'est très temps dans un film. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu vois, ils ont fait deux films, les Japonais, qui en fait sont la saison 1 et 2 de Death Note. Et en fait, ils ont fait un film de 1h45. C'est raisonnable, c'est pas trop long. Mais il y a ce suspense-là. Donc c'est possible. Non, c'est parce que c'est mal géré, clairement. Ouais, c'est possible. Elle n'a pas l'intelligence d'un L. C'est quand même incroyable que le mec se enlève son. Pourtant, il a été en classe. il enlève. A un bac L. En fait, j'ai compris qu'ils ont voulu prendre, comme en fait, essaye de le dire et l'exposer sub, ils ont voulu prendre des raccourcis parce que c'est un film. Mais dans ce cas-là, ne soyez pas contraints par les règles des personnages. Prenez, comme tu l'as dit, Val, le mérite nous en revient à tous les deux. Prenez la Death Note, créez des personnages originaux avec les psychologies que vous voulez. Comme ça, vous cracherez nulle part. Et faites une histoire originale. Si tu prends James Bond, tu gardes James Bond. Mais si tu prends Jean-Pierre Bond, ben là, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. En conclusion, c'est ce qu'on disait, c'est pourquoi ils ont fait ça. C'est pour le fric. Merci. C'est tout. Complètement. Voilà. Achète ma merde. Achète ma merde. Ma merde. Achète ma merde. Ma merde. Ça, c'est vraiment de la grosse merde. Et on n'est absolument pas contre les éditions Achète. Hein, mais... non, mais le truc, c'est que les bonnes adaptations d'une bande dessinée ou d'un manga se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a quand même, ça va. Mais je sais, c'est pour ça que je vais les citer, Jonas. C'est Dark Knight. Astérix Obélix. Mais voilà. Mission Cléopâtre. Tu vois, c'est Mission Cléopâtre qui est bien. Et pourquoi Mission Cléopâtre est vraiment bien? Jonas, je parlais. Frappe-le. Non, mais pourquoi est-ce qu'Astérix Obélix c'est bien? C'est parce qu'ils sont inspirés des codes de la bande dessinée et de l'esprit de Uderzo et Trucmuche. Et Goscinny. On a compris. Et ils ont mis vraiment leur savoir-faire, leur âme, leur humour à eux. Et ils ont fait un mélange qui a fonctionné parce qu'ils se sont... Démarchés. Ils se sont émancipés de la bande dessinée. Ils n'ont pas pris ça comme un script. Lucky Luke, c'est pareil. Avec Jean du Jardin, ouais. C'est plutôt pas mal parce qu'on a recréé un espèce de Lucky Luke avec tout est fondé sur le jeu de Jean du Jardin et sur l'acteur et son personnage. Mais voilà. Et quand on veut recréer un Death Note en suivant la trame, en la suivant en faisant une espèce de bouillabaisse américaine, non, ça marche pas, quoi. Soit t'assumes totalement et à ce moment-là, c'est d'autres personnages, de machin, mais le même, soit tu fais pas de film. On s'approche tout doucement de la fin du podcast sur lequel on s'est bien défoulé, mais c'est vrai que juste pour ajouter un petit truc. Le réalisateur, en fait, a réalisé pas mal de films d'horreur avant. On parle des exécutions à la destination finale. Voilà, exactement. C'est ouais, ça donnait faim. Déjà, le premier meurtre, mais même grave. Si c'est moi qui ai le Death Note, j'ai des morceaux d'humains partout sur moi. J'ai tellement vu Destination Finale dans le film Netflix. Oui. Exactement ça. Et donc, il a réalisé donc Your Next, le remake de Blair Witch. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Donc, voilà, quoi. C'est pas foufou. Et donc, maintenant, ça se base plutôt sur une histoire d'amour, quoi. Teenage. Et le mec a voulu faire une histoire d'amour tragique. Et c'est vrai qu'en plus, le gars a l'air très, très sympathique, puisque... aux réponses à toutes les menaces qu'il a eues, il a dû fermer son compte, évidemment, c'est horrible, mais il faut être un peu couillon pour dire comme dernier tweet, de toute façon, c'est toujours les artistes qui gagnent. La preuve. Genre, Quoi ? C'est pas très sympathique. Quelque chose à dire pour conclure, Val ? Je voulais prendre 30 secondes pour parler de la relation entre juste Light et sa copine dans le film, qui est la plus malsaine et malaisante du monde. Alors dépêche-toi, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais tout est malsain dans une Mais ouais, mais tout est mal foutu, tout est mal branlé, tout est raccourci, tout est expédié. Et vraiment, la manière dont il se rend compte, et en 30 secondes, il s'emballe déjà. C'était ah oui, so d'ailleurs, big up au féminisme, parce que j'ai envie de t'embrasser. Non, tu ne dois pas demander. Tu es un homme, les garçons sont les garçons. Ils peuvent violer comme tu veux. Ah oui, mais voilà. je t'aime. Juste pour retrouver ça me choque pouvoir. Pas parce que alors, c'est une petite gamine qui découvre son corps, donc elle se dit ouais, je suis une elle a pas l'air, mais bon, alors, en tout cas, alors que dans Libérer et délivrer, la Reine des Neiges, c'est cool. Là, elle découvre aussi son corps. Non, mais ouais, et le beau blond là, à la fin, ouais. il veut embrasser c'est pas Anna, c'est Elsa. Bref, la petite sœur, et il fait non, est-ce que je peux t'embrasser? Là, c'est cool. Voilà. Ouais. Bah oui, non, mais le parce que, consentement, ouais. c'est sympa. Consentement. Dans le métro ou chez soi. Surtout dans le métro, d'ailleurs. Surtout dans le métro, oui. Si tu veux. Moi, je... Avec tes mains ou tes doigts. Rappelons-le, le harcèlement de rue n'est pas quelque chose de drôle. Voilà. Non. Je voudrais finir, les enfants, pour dire que à tous les fans qui ont été... violés, on peut dire à toucher sans consentement, à tous ceux qui ont vu le film Netflix, ceux qui ont détesté, ceux qui l'ont aimé, vous devez être 5 au monde. Il y en a qui disent c'est pas mal. De toute façon, tant que tu peux, le film est à 98% d'avis positifs. Mais tu crois, mais il est à 30% sur Rotten Tomatoes. Non, mais ceux qui ont aimé, c'est sûrement ceux qui ont, enfin, je crois que c'est à 0,1% de personnes qui aiment, qui ont à la fois lu les mangas et vu ce film. C'est pas possible d'aimer ce film quand t'as vu ce manga. La question que je voulais poser, c'est à qui se destine le film? Vraiment. À des gens qui vont les payer. Fans du manga... Non, mais les fans du manga, c'est clairement pas ça. Les gens qui connaissent pas, c'est clairement pas une bonne porte d'entrée. À qui se destine le film? Comme Light, à des petits collégiens. Et du coup, on peut se poser la question de l'intérêt des productions cinématographiques Netflix. Sur cette question ouverte, puisque gratuit. Puisqu'ils n'ont pas à attendre de flouze en retour, puisqu'ils le gagnent déjà. Donc, Je vais dire un truc. Okay. Et dernière personne, on laisse Bibia rebondir sur ça. Non, mais ça va durer 3 secondes. C'est juste, ceux qui ont vu le film Netflix, que vous ayez vu ou aimer le manga, regardez les films qui ont été faits par les Japonais, vous verrez que c'est avec 16 fois moins de moyens, mais c'est 16 fois mieux. C'est 16 fois plus d'amour. Oh, voilà. Allez, où est-ce qu'on peut les trouver? Sur Internet, en streaming. Ok. L'illégalité... Non, mais streaming légal. Alors, streaming légal. On va passer un groupe très très connu qui s'appelle Fleetwood Mac. Je casse tout, t'as mangé mon dent. C'est un groupe de rock américano-rock britannique formé en 1967 au Royaume-Uni, à Londres. Et c'est de la balle. On va quand même dire au revoir avant. Et à la semaine prochaine. Oui. C'est parti. Bisous tout le monde.